We'll be right back. silver heart will the thank you.

Listen, oh, oh, oh, I say, je vais le vent, je vais le vent. Je bois le jour, je bois le verre. Je bois le vin, je bois le vin. Je bois le vent, je bois le vin. Je bois le vent, je bois le vin. Je bois le vent, je bois le vin. Je vais le vent, je vais le vent. Bonsoir, bonne fin de week-end, à bientôt.